C'est cela son crime. Et comme l'on comprend que les hommes de l'Éternel appellent sur lui le châtiment, il atteint une science sans illusion qui nie tout ce qu'il professe, aimer, posséder, conquérir et épuiser, voilà sa façon de connaître. Il y a du sens dans le mot favori de l'Écriture qui appelle « connaître » l'acte d'amour. Il est leur pire ennemi dans la mesure où ils l'ignorent. Un chroniqueur rapporte que le vrai Bourlador mourut assassiné par des franciscains qui voulurent mettre un terme aux excès et aux impiétés de Don Juan à qui sa naissance assurait l'impunité. Ils proclamèrent ensuite que le ciel l'avait foudroyé. Personne n'a fait preuve de cette étrange fin. Personne non plus n'a démontré le contraire. Mais sans me demander si cela est vraisemblable, je puis dire que cela est logique. Je veux absolument retenir ici le terme « naissance » et jouer sur les mots. C'est de vivre qui assurait son innocence. C'est de la mort seule qu'il a tiré une culpabilité maintenant légendaire. Que signifie d'autre ce commandeur de pierre, cette froide statue mise en branle pour punir le sang et le courage qui ont osé penser? Tous les pouvoirs de la raison éternelle, de l'ordre, de la morale universelle, toute la grandeur étrangère d'un Dieu accessible à la colère se résument en lui. Cette pierre, gigantesque et sans âme, symbolise seulement les puissances que pour toujours Don Juan a niées. Mais la mission du commandeur s'arrête là. La foudre et le tonnerre peuvent regagner le ciel factice d'où on les appela. La vraie tragédie se joue en dehors d'eux. Non, ce n'est pas sous une main de pierre que Don Juan est mort. Je crois volontiers à la bravade légendaire, à ce rire insensé de l'homme saint provoquant un dieu qui n'existe pas. Mais je crois surtout que ce soir où Don Juan attendait chez Anna, le commandeur ne vint pas, et que l'impie dut sentir, passé minuit, la terrible amertume de ceux qui ont eu raison. J'accepte plus volontiers encore le récit de sa vie qui le fait s'ensevelir pour terminer dans un couvent. Ce n'est pas que le côté édifiant de l'histoire puisse être tenu pour vraisemblable. Quel refuge allait demander à Dieu ? Mais cela figure plutôt le logique aboutissement d'une vie tout entière pénétrée d'absurde, le farouche dénouement d'une existence tournée vers des joies sans lendemain. La jouissance s'achève ici en ascèse. Il faut comprendre qu'elles peuvent être comme les deux visages d'un même dénuement. Quelle image plus effrayante souhaiter ? Celle d'un homme que son corps trahit et qui, faute d'être mort à temps, consomme la comédie en attendant la fin, face à face avec ce Dieu qu'il n'adore pas, le servant comme il a servi la vie, agenouillé devant le vide, et les bras tendus vers un ciel sans éloquence et qu'il sait aussi sans profondeur. Je vois Don Juan dans une cellule de ces monastères espagnols perdus sur une colline. Et s'il regarde quelque chose, ce ne sont pas les fantômes des amours enfuis, mais peut-être, par une meurtrière brûlante, quelques plaines silencieuses d'Espagne, terre magnifique et sans âme, où il se reconnaît. Oui, c'est sur cette image mélancolique et rayonnante qu'il faut s'arrêter. La fin dernière, attendue mais jamais souhaitée, la fin dernière est méprisable.